pas si vous êtes tous là, parce que d'abord, c'est le tout début de la reprise des cours. Et en tout cas, par rapport à mes chiffres à moi, je ne sais pas si vous êtes si nombreux déjà inscrits sur l'université virtuelle. Je vais vérifier ça. Pour le cours de gestion, en ce moment, j'ai 11 inscrits. Donc, en fait, vous êtes plus nombreux que ceux qui sont inscrits, mais en général, vous êtes une soixantaine. Vous n'êtes pas tout à fait, ce n'est pas grave du tout. Merci à ceux qui sont là. Et donc, je vais faire un cours aujourd'hui, une leçon d'introduction, qui est aussi l'occasion pour vous de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, je vous laisserai la parole pour ça. Sachant que mardi prochain, c'est le 27 septembre, et que le 27 septembre, c'est la fête de la communauté française, dite aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est en fait le pouvoir organisateur de cette université, c'est-à-dire son principal bailleur de fonds, et que donc cette fête est respectée ici, à savoir que les cours sont suspendus. Tout ça pour vous dire qu'on ne se verra pas mardi prochain, c'est pas la peine de venir, il n'y a pas cours. Bon. Donc on se verra dans 2 semaines. Là, évidemment, je vous demanderai, bien entendu, dans 2 semaines ici, en espérant que tous les étudiants, entre-temps, aient pu régulariser leur situation, découvrir les lieux de cours, parce qu'on est dans un lieu un peu incongru. Et voilà, vous pouvez fermer un moment la porte, allez-y, bienvenue. Et que donc vous serez au complet dans 2 semaines, où la matière, vraiment, pure et dure, commencera véritablement, même si ce qui va être dit aujourd'hui est tout à fait important aussi. Ça va? Pas de questions à ce stade? Alors, vous êtes dans un cours qui s'appelle « Gestion des institutions culturelles » et qui a quelques objectifs que je vais présenter brièvement et qu'on va recouper, évidemment, tout au long du quadrimestre. Alors, les objectifs, je vous les mets là en synthèse, et ce PowerPoint, vous l'aurez sur l'université virtuelle. Éventuellement, je vous envoie même au forum des nouvelles, donc si vous êtes régulièrement inscrit, mais je vais attendre d'avoir plus que 11 étudiants inscrits, le temps que l'administration, sans doute, aille au bout des démarches que vous avez sans doute achevées. Et donc, j'utiliserai le canal du forum des nouvelles et je déposerai dans les dossiers de l'université virtuelle relative à mon cours tous les PowerPoints que vous voyez. Donc, prenez des notes si vous le souhaitez, évidemment, mais ne vous en faites pas. Si vous avez manqué un mot, vous aurez évidemment tout cela par le canal électronique. Bonjour. Donc les objectifs, disais-je, il y en a 2 principaux, qui sont une approche historique et critique, j'insiste, vraiment important, des enjeux liés au monde de la culture et de sa gestion au sein des institutions culturelles. Donc ici, on est à l'université, c'est assez important, en tout cas pour moi, parce que ça vous permet de construire un regard particulier sur le monde qui nous entoure, donc sur la société contemporaine dans laquelle on vit. La culture étant, et ça on va le voir déjà aujourd'hui, je vais faire une petite revue de presse avec vous à ce sujet, la culture étant un élément important, voire déterminant d'une société, eh bien, il est d'autant plus nécessaire de s'équiper d'une compétence critique face à l'état du monde et de la culture dans notre société. Pour faire cette approche critique, il faut parfois faire une démarche historique. C'est comme savoir d'où on vient, pourquoi la situation est celle-là aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut éventuellement, en connaissant le passé, préparer l'avenir, ça va, éventuellement réformer. De façon générale, je reste sur mon credo, on va dire, lié à votre présence à l'université. De façon générale, j'estime qu'en tant qu'enseignant, je forme des générations qui vont transformer le monde, qui vont être demain aux commandes, et à différents niveaux, mais chacun à son niveau. Et que donc, il est certain que vous devez sortir d'ici avec l'envie de faire progresser la qualité de votre environnement, que ce soit professionnel, sociétal, économique, politique, que sais-je. Engagez-vous dans la réforme de la société qui sera vôtre, puisque après les études et le diplôme, vous serez aux commandes, disais-je, de la société, et de plus en plus. Puis au bout d'un moment, vous devrez, comme moi, passer les commandes, le volant, et c'est un moment agréable aussi, Mais donc, d'ici là, eh bien, je vous engage vraiment à tenter de réformer votre monde, le monde dans lequel vous allez vous inscrire. Pour faire ça, il est certain qu'il faut avoir un point de vue critique sur les choses. Il ne faut pas accepter les arguments, il faut voir ses qualités, mais aussi ses défauts, et être capable de proposer des solutions constructives. Quand je parle de critique, ce n'est pas un dénigrement, hein, c'est identifier les points faibles, les points forts, et apporter des solutions aux points faibles et consolider les points forts. Voilà. Donc, la gestion culturelle participe de ça aussi, puisque d'une part vous touchez au monde de la culture, mais ensuite vous touchez au principe de la gestion. Et quand on veut réformer quoi que ce soit comme structure, si on parle du monde, c'est une structure, ou de la société, c'est pareil, il faut des compétences de gestion. C'est très utile, évidemment, pour proposer des solutions pour améliorer des situations. Ça va ? Donc voilà, cette approche historique et critique, pour moi, elle est importante. Et c'est ce qui différencie les études que vous avez choisies de formations plus techniques, plus pratiques, plus pragmatiques éventuellement, même si dans les études que vous allez faire, hein, dans le master en gestion culturelle, vous aurez des aspects extrêmement concrets et pratiques, hein, et des exercices et des stages, hein, qui vont vous mettre en situation de travail. C'est évident, mais ne perdez jamais de vue que vous êtes aussi dans un contexte où on réfléchit au sens des choses d'un point de vue théorique et que mon cours, notamment, donne la place de l'oxygène à cette inspiration nécessaire face à l'état du monde. Alors, j'en profite pour vous dire que ce vendredi, si, j'espère que vous êtes au courant, il y a une présentation du master. Tout le monde est au courant de ça ? Sinon, vous allez sur mon OB, vous demandez à vos copains, et donc à 10h, je ne vous disais pas que le thème, ça a changé 4 fois, et donc je vais vous donner l'information à la connaissance. À 10h, on commence avec les autres personnes de la structure à vous présenter le master. Et puis dans l'après-midi, on vous présente les fameux stages, en bloc 1 et en bloc 2, qui vous montreront que vous serez au travail, hein, très concrètement, et pas seulement avec moi en train de réfléchir aux aspects critiques d'une situation. Voilà. Mais ça n'est qu'un aspect de mon cours, c'est un objectif. Le deuxième objectif principal, c'est l'initiation aux principaux aspects de la gestion d'une institution culturelle en présentant les étapes essentielles de la construction et de la gestion d'un projet culturel. Donc il y a déjà deux niveaux. Il y a la gestion de l'institution et puis il y a la gestion du projet. Donc pour réaliser des projets, quels qu'ils soient, ici disons culturels, il faut une institution qui les porte. On pourrait dire une entreprise, hein, on pourrait dire une équipe, on pourrait dire une structure, ce sont des mots qui, pour le moment, sont équivalents. Donc vous avez, on va dire une base, un QG, un quartier général, et puis des projets. Et donc, d'une part, il faut mettre sur pied, avec un certain nombre d'étapes, on va aller ensemble, votre base, et puis il faut développer à partir de cette base des projets, évidemment, avec également un protocole, hein, un certain nombre d'étapes qui vous permettent d'aboutir à un succès, hein, ce que je vous souhaite, dans tous les projets que vous commencerez, j'espère, dès votre diplomation, voire pendant vos études. Voilà. Donc, pour le dire en paraphrasant beaucoup les choses, mais simplement, donc, d'une part, un regard critique sur la question de la culture et de sa gestion, d'autre part, hein, une formation aux aspects pratiques de la gestion d'une institution et des projets qu'on peut développer cette institution. Voilà, ce sont les objectifs de ce cours. Alors je vais compléter sans doute un peu ça en me présentant aussi et en m'intéressant à vous également. Donc qui suis-je ? Je m'appelle Rick Manet, je vous ai dit mon nom, je suis un des professeurs de la filière, un des professeurs qui forme le noyau dur, mais pas si nombreux, vous rencontrerez assez facilement tous et notamment vendredi pour la présentation. Il y a pas mal d'autres enseignants qui viennent graviter, hein, comme des électrons libres autour du noyau central de la filière. Enfin, voilà, moi, je suis plus de plaisir d'être au centre de cette filière. Je suis vice-président de la filière, le président étant Olivier Vanet. Donc, ne confondez pas Éric Vanet chez Olivier Vanet, c'est différent. Et vous rencontrerez le président, si ce n'est pas déjà fait, vendredi ou tard. Je m'occupe d'un autre cours, qui est un cours de stratégie. Ce cours de stratégie est programmé en deuxième année, ou en bloc 2, on va dire, de votre cycle de master. Donc, si tout se passe bien pour vous, en 1, on se se retrouvera en bloc 2, et je m'appuie, on va dire, sur la matière de cette année pour développer la matière que je présenterai l'année suivante. En fait, le cours de stratégie est conçu par moi-même, en tout cas, comme une spécialisation, on va dire, des matières qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, aujourd'hui et tout le reste du quadrimestre. Donc, je ne vous en dis pas plus, hein, vous avez un an pour me retrouver, mais ce sera au deuxième quadrimestre de l'année prochaine, hein, pour aborder les questions de stratégie. On parlera stratégie, hein, parce que c'est indissociable de du lancement d'une institution et du lancement d'un projet, bien sûr, mais les aspects stratégiques, disons, spécialisés, voilà, seront abordés dans un deuxième cours. Donc, voilà, je m'occupe d'enseigner dans le bloc 1 et le bloc 2. Et je veillerai, parce qu'il y a peut-être des étudiants qui se posent la question, à rencontrer ces questions lorsque ce sera votre tour de vous présenter. Si vous êtes en année unique, hein, si vous avez les deux cours la même année, comment ça se passe? Eh bien, je vous expliquerai ça dans un moment, si certains sont concernés. Alors, je n'enseigne pas que ici, je suis à temps partiel, à la faculté de philosophie et sciences sociales, qui contient le département histoire, art et archéologie, qui contient la gestion culturelle. Je suis à temps partiel et j'enseigne mon autre temps partiel à la faculté d'architecture. J'ai des responsabilités logistiques dans cette faculté, au-delà de mon enseignement, ce qui peut alimenter évidemment les réflexions que je vais porter devant vous sur la question des gestions, de la gestion des institutions, parce que finalement une faculté universitaire, c'est aussi une structure qu'il faut gérer. Il y a des choses extrêmement intéressantes auxquelles on peut assister et on peut voir comment le management peut résoudre souvent bien des problèmes. J'enseigne également à l'École nationale supérieure des arts visuels de la Cambre, dite la Cambre Art Visuel, qui n'est pas loin d'ici, qui est à l'abbaye de la Cambre. Et j'y ai également, au-delà de mon enseignement, des responsabilités logistiques dans une école d'art. Là, c'est encore plus intéressant de voir comment on peut confronter le management à la création, là, pour le coup, et plus seulement à la culture. Mais c'est très riche d'enseignement, c'est pour ça que je vous signale ici, pour alimenter parfois en exemple également mon enseignement ici. Sinon, j'ai une double formation en histoire de l'art d'un côté, avec diverses spécialisations, et puis en management. Et je suis actif dans une série de conseils d'administration, commissions diverses et variées, qui enrichissent une fois encore la réflexion que je porte sur la rencontre entre la culture et le management. Voilà. À vous. Alors, qui êtes-vous donc? Oui, pardon, je voudrais compléter quand même. Qui suis-je enfin? Je m'occupe des stages également. Les stages en bloc 2, donc l'introduction de vendredi, 15h30 désormais. Sur les stages de bloc 2, c'est moi qui l'ai fait. Mais ça ne concerne que ceux d'entre vous qui font éventuellement le master en humanité. Sinon, on se retrouvera l'année prochaine pour la question des stages de bloc 2. C'est pour plus tard. Voilà, donc qui êtes-vous donc? Donc vous êtes des étudiants inscrits au master en gestion culturelle, bravo, bienvenue. Vous avez normalement 2 années pour valider 120 crédits et obtenir un diplôme qui est assez solide. Moi je le vois souvent puisque je m'occupe des étudiants de bloc 2, donc je les vois diplômés, je les vois embauchés. Ce sont des gens qui très vite, souvent, sont au travail et ont, au fur et à mesure des années, des responsabilités de plus en plus importantes. On reste en contact avec pas mal d'étudiants de la filière puisqu'il y a une forme de réseau, hein, qui se met en place. Et notamment au niveau des stages, je vois pas mal d'étudiants que j'ai vu passer par ici qui se retrouvent donc, dans des organigrammes importants d'institutions prestigieuses et qui après accueillent à leur tour des stagiaires, etc. Donc, ça marche, je pense, assez bien. Vous avez fait un choix de diplôme intéressant entre, je dirais, une réflexion, comme je le disais tout à l'heure, et une pratique, hein, et donc l'exercice d'un métier concret, hein, dans un domaine très vaste, hein, on le verra dans un moment, celui de la culture. Mais justement, parmi vous, il y a des gens qui sont basiquement en bloc 1, bravo, et est-ce qu'il y a des gens qui vont cumuler bloc 1 et bloc 2 cette année avec un programme alors de 75 crédits, c'est ça? Vous êtes 1, 2, 3, 4, c'est ça? Ok, cool, pas de problème. Donc, en fait, il n'y a rien de spécial à faire. Simplement, vous allez me voir beaucoup, puisque vous allez me voir au deuxième quadrimestre avec le fameux cours de stratégie. Et vous me verrez également comme coordinateur académique pour les stages de bloc 2 que vous devrez faire. Ça va? Donc, vous, demain, vous suivrez, vendredi, vous suivrez l'intégralité des présentations, puisque vous êtes concerné par la somme de toutes ces présentations qu'on vous fera. ça va, il n'y a rien de spécial à dire. Sinon, bon courage, vous avez 15 crédits de plus, et deux stages la même année, donc voilà, c'est lourd, mais c'est possible, hein. Pas s'en faire. Et sachez qu'il y a trois quadrimestres dans une année académique, donc vous pouvez cumuler les crédits jusqu'à fin août. Pas obligé de tout faire à l'issue du deuxième quadrimestre. Il y en a bien un troisième, même s'il est très réduit, si on veut vraiment être scrupuleux au niveau du calendrier, c'est en fait juillet-août. Mais en réalité, c'est un quadrimestre vraiment entier. Voilà, pour les autres. Donc vous êtes tous en bloc 1 de master en gestion culturelle. Alors, vous êtes un peu trop nombreux pour que chacun me dise d'où il vient, où il va, etc. Ça, j'ai l'occasion de faire en bloc 2 lorsque je rencontre les étudiants avant les stages. Mais tout de même, je voudrais faire quelques sondages par rapport à votre champ, on va dire, culturel de référence. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais si vous en avez déjà un, ça m'intéresse. Donc, par exemple, qui se sent d'abord intéressé par la question des arts de la scène? Donc, on pourrait dire les arts vivants. Je veux bien. C'est juste pour mesurer un peu la quantité. Donc, art de la scène, c'est donc art vivant, ça peut être la musique, le théâtre, la performance. Ok, bon. Qui se sent plutôt inscrit dans le champ des arts visuels au sens plus classique du terme, c'est-à-dire les musées, voilà, allez, ok, c'est à peu près équivalent, hein, donc art de la scène, art visuel, ok. Puis on a les questions alors plus précises d'audiovisuel, cinéma, production, oui, il y en a qui ont déjà ça en tête, ok, c'est bien. Alors on a le domaine de l'édition, éventuellement, les gens qui s'intéressent à la question du livre, ça fait partie de la question culturelle, ok. Et le patrimoine, pour ceux qui feraient une différence par rapport à ce que j'ai dit avant, plutôt patrimonial, oui, ok. Donc, vous êtes un peu moins nombreux. Moi, dans mes exemples, et pour le cours de stratégie, alors je le dis aux personnes qui sont concernées déjà cette année, j'essaie de faire référence à ces différents aspects. Je peux difficilement, à chaque fois, amener un exemple qui concerne à la fois les arts visuels, les arts de la scène, le patrimoine, l'édition, etc. Mais j'essaie. Et pour le cours de stratégie, je fais venir les invités de référence. Et donc, j'essaie de panacher également tous ces domaines. Donc, j'essaye effectivement de rencontrer un peu votre curiosité de base, hein. Vous avez des intérêts qui ne sont pas identiques les uns les autres, mais si je n'y arrive pas, n'hésitez jamais à m'interrompre et à me poser une question plus concrète par rapport à votre champ de curiosité. N'hésitez jamais. Si j'ai un exemple qui ne vous satisfait pas, n'hésitez pas à m'en demander éventuellement un autre. Okay. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus pour les présentations à ce stade. Voilà. Je vous conseille de venir au cours, parce que c'est un travail, c'est là que se fait le travail d'un enseignant, enfin c'est ma conviction. La question de la restitution, vous le verrez dans un instant, m'intéresse très moyennement. Ce qui m'intéresse, c'est la question de la participation. C'est le moment de l'échange entre un professeur, physiquement, devant vous, et vous-même, attentif, posant des questions, éventuellement. C'est là que la magie, évidemment, de l'enseignement se fait, et c'est là, croyez-moi, que vous recevez tout ce que vous devez recevoir. Quelqu'un qui revient sur les choses, ou si vous restez relativement présent, ça va percoler, et à la fin de mon enseignement, vous aurez normalement acquis déjà tout ce que j'attends de vous. Évidemment, il y aura une évaluation, hein, j'en parlais tout à l'heure, parce que c'est la règle, mais selon moi, c'est plus accessoire. Ce qui est vraiment essentiel, c'est les échanges qui se font pour les autres. Mode d'emploi du coup. Nous avons 8 séances de cours dit magistral. C'est pas moi qui a inventé ce terme. C'est le terme. Voilà. Alors, si c'est magistral, vous me direz, hein, ça veut dire avec maîtrise. Hein. Mais ça veut dire, bon, un cours normal. Bon. Et donc là, je fais une introduction générale, critique et historique. Donc aujourd'hui, c'est l'introduction générale. Le 27, on ne se voit pas, je me rappelle, et donc après je ferai une introduction critique et même une séance encore pour l'introduction historique normalement. Donc, j'insiste quand même sur ce contexte d'appréhension singulier du monde que donne la culture universitaire. Et donc je développerai ça assez bien. Ensuite, dans les séances qui resteront, mais qui sont majoritaires, management des entreprises culturelles et enfin gestion des projets culturels. Ça, c'est la matière des 8 séances qu'on va passer ensemble. Ensuite, il y aura une séance de questions-réponses sur la matière du cours et les recherches, parce que ce cours prévoit que vous meniez des recherches sur le terrain de la culture. Et en effet, les trois dernières présentations, donc la somme des... les trois dernières séances, pardon, la somme des séances faisant 12 séances, ce qui est prévu, nous conduira donc à la fin du mois de trimestre avec trois occasions de présenter le résultat des recherches menées par les étudiants. Je vais détailler tout ça dans un instant, ne vous inquiétez pas. Mais donc au niveau du calendrier, mis à part le 27 septembre, je pense qu'il n'y a pas de jour férié qui vient nous embêter, donc vous avez 12 séances qui se suivent et qui se composeront donc du menu que je vous soumets, et je vous rappelle que vous aurez les PowerPoint disponibles bientôt sur l'université virtuelle. Alors, il y aura une évaluation en fin de quadrimestre, donc après Noël. C'est un examen écrit, mais aussi les travaux personnels qui comportent des présentations orales. Je vais détailler ça vraiment. Et ça vaut pour moitié des points l'évaluation des exercices dirigés et pour l'autre moitié des points l'examen écrit. Alors, l'examen écrit, je m'intéresse, je vous l'ai dit, à l'usage de la connaissance davantage qu'à sa restitution. Donc, je fais un examen à livre ouvert. C'est une expression pour dire que vous venez avec les notes que vous avez prises au cours, les PowerPoints que je vous aurai envoyés par l'université virtuelle, voire l'un ou l'autre texte que j'aurais scanné et que j'aurais diffusé également dans le cadre du cours. Vous venez avec la matière du cours et vous, ça ne vous gêne absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez utiliser cette matière pour répondre à mes questions. Alors, c'est un examen écrit, donc je veux difficilement poser 25 questions. Donc, il y a une, deux grandes questions. Hein, plus de l'ordre de la dissertation, hein, même si c'est une dissertation de niveau universitaire. Et donc, je vous demanderai de développer un point de vue sur des enjeux de gestion culturelle. Ces enjeux, on va les voir tout au long de l'année, du quadrimestre, donc vous n'en faites pas, vous ne devrez pas les inventer, ils existent. Mais je vous demanderai que ce point de vue soit contextualisé, c'est-à-dire que vous puissiez les replacer dans la matière du cours, mais également argumenter, c'est-à-dire que vous puissiez développer et défendre une position personnelle. Sur laquelle, moi, je n'ai pas de jugement de valeur, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je vais évidemment mal vous coûter, par contre, je vais apprécier la manière dont vous exprimez cette position, la manière dont vous argumentez votre position. Voilà, ça vous semble peut-être un peu abstrait aujourd'hui, mais c'est parce que la matière est devant nous et non pas derrière nous. Et donc, je reviendrai là-dessus, normalement, à la dernière séance, hein, pour réfléchir la mémoire sur le principe de l'évaluation, et tout devrait se passer très bien. Maintenant, il n'y a pas que l'examen écrit, ça c'est la moitié du point, il y a un autre prétexte à évaluation, mais qui est plus intéressant que l'examen, c'est l'exercice. Alors, j'ai cinq fiches sur l'exercice, où j'accumule chaque fois une information. Alors, la première information, c'est que ce sera un travail en groupe. Je travaille, si vous êtes une soixantaine, on adaptera si ce n'est pas le cas, mais généralement vous êtes environ une soixantaine inscrits, donc je travaille avec des bases de 5 personnes. Ça peut être 4 ou 6, mais on tourne autour de 5. Ça va ? Et la constitution de ces groupes, elle est volontaire ou alphabétique. C'est-à-dire que soit vous décidez de former un groupe entre vous parce que vous connaissez, parce que vous avez appris, vous ne devez pas faire ça aujourd'hui. À vous connaître, et donc vous avez envie de bosser ensemble, donc vous formez un groupe et vous venez vers moi en disant voilà, nous on est un groupe. Ou alors, vous n'avez pas d'idée, vous avez envie de subir ce paramètre de la désignation, et à ce moment-là, je prends un ordre alphabétique des étudiants restants et je les groupe. Ça va ? Donc de toute façon, que vous soyez proactif ou pas, vous allez vous retrouver dans un groupe. Donc vous en faites. Alors, c'est déjà une partie de l'exercice, finalement. Parce que c'est une manière, déjà, de vous mettre dans une situation qui vous sera familière par la suite. Parce que vous êtes amené à devenir des entrepreneurs culturels ou entrer dans des équipes, dans des institutions ou entreprises culturelles. Donc, forcément, vous allez à un moment donné devoir soit composer une équipe en tant qu'entrepreneur ou intégrer une équipe en tant qu'employé ou membre sous une forme contractuelle ou une autre d'une équipe. Vous ne choisirez pas toujours les gens avec qui vous travaillez, sauf si vous pouvez recruter à zéro, je veux dire, sur un projet, et que vous vous avez le luxe de pouvoir trier des profils sur le volet, tant mieux. Mais sinon, les situations les plus habituelles sur le marché du travail, c'est de devoir faire équipe avec des gens qu'on ne connaît pas forcément au départ. Et ça fait partie de la gestion culturelle, de se débrouiller dans un groupe qu'on n'a pas forcément choisi, d'être capable de discerner les qualités, les défauts de chacun et de créer une dynamique de travail où la répartition des tâches, on va dire, est conforme aux talents en présence et donc de former une belle équipe complémentaire. On reparlera d'ailleurs de tout ça dans le cours, mais voilà, avec l'exercice, vous serez dans cette situation-là. La deuxième info que je vous donne sur l'exercice, c'est que je vous demanderai, une fois que vous êtes constitué en groupe, de choisir par groupe une institution culturelle. Donc, il y aura autant d'institutions culturelles que de groupes. Donc, le premier à choisir telle institution privera les autres groupes de choisir la même institution. Enfin, le champ des institutions culturelles est suffisamment dense et vaste, rien qu'à Bruxelles, pour que vous ne vous marchiez pas sur les pieds. En tout cas, je n'ai jamais eu le cas jusqu'à présent. Donc, vous choisissez une institution culturelle et vous faites valider ce choix par moi, parce que je veux vous éviter d'aller au casse-pipe et de travailler sur une institution où il n'y a rien à dire, où ça va être une catastrophe. J'aime autant être informé pour votre bien de l'institution que vous avez choisie. Et ça, c'est votre première échéance. C'est le 8 novembre. Ça vous permet à la fois de ne pas commencer trop tard à travailler sur le sujet, et ça vous permet d'avoir assez de temps, un mois et demi, pour constituer un groupe, ou pas, et choisir une institution sur laquelle vous avez envie de travailler. Ça va ? Retenez cette date, le 8 novembre, je vous la rappellerai, c'est donc une échéance. À cette date, je dois avoir validé tous les groupes et validé tous les choix d'institutions culturelles, si possible. Oui ? Vous proposez une liste de choix ? Non. Non, parce que je pourrais, cela dit, mais je ne le ferai pas, parce que les étudiants, du coup, ils mettent les professeurs sur le piédestal et alors ils pensent que c'est vraiment uniquement là qu'on va piocher. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'aime bien découvrir des institutions. Bon, il se trouve, je connais bien le secteur, donc j'ai peu de surprises, mais j'en ai quand même. Je suis très content quand on convient avec une institution dont je connais à peine l'existence. Donc, je ne le fais pas. Par contre, si vous avez des questions, vous venez me trouver en disant, voilà, ou vous me lisez un mail, je voudrais travailler dans tel domaine, je cherche une institution de tel critère, etc., je vais éventuellement vous guider. Mais d'initiative, moi, je ne vais pas vous donner une liste, parce que j'ai trop peur que vous en fassiez une liste fermée, alors que je souhaite que les choses restent bien ouvertes. Alors, une fois que vous avez choisi cette institution, je vous demande de faire une description de l'organisation, de l'institution en question. En gros, il faut parler du projet culturel, de la structure qui a été mise en place pour la développer et de la manière dont ça se transcrit en action. Donc ça, en fait, c'est une envie, un rêve, on pourrait dire. Ça, c'est une équipe et un lieu et des outils qui permettent de réaliser ce rêve. Et l'action, c'est comment on s'est mis au travail pour le réaliser. Donc, c'est une enquête qui doit se mener à la fois à travers la manière dont l'institution culturelle se fait connaître, principalement son site internet, puisqu'aujourd'hui, ce sont des sources d'informations extraordinaires, mais aussi fréquenter l'institution, s'intéresser à sa production également papier, éventuellement des programmes, d'autres documents, rencontrer, pourquoi pas, ces gens. Enfin, voilà, mener une enquête assez approfondie sur l'organisation que vous avez choisie. Alors, ne choisissez donc pas l'Opéra de Pékin, parce qu'on est à Bruxelles, donc j'ai pas de problème si vous choisissez une institution bruxelloise, mais si vous voulez aller en Wallonie ou en Flandre, vous pouvez aussi, mais ne sortez pas les frontières du pays, parce que je trouve que ça vous prive éventuellement d'un contact vraiment concret avec le lieu, voire avec l'équipe. Je préfère qu'on reste dans les frontières nationales. Quatrième info donnée pour l'exercice, c'est l'analyse cryptique de l'organisation. Voilà, donc finalement, après avoir décrit la manière dont le projet a été élaboré, l'équipe et le lieu a été mis en place, et l'action est menée, vous pourrez aussi vous interroger sur la cohérence entre ces trois étapes. Est-ce que la structure est adaptée au projet ? Est-ce que l'action est conforme au projet ? Etc. Ce sont des questions intelligentes, je pense, à se poser, parce que c'est là qu'on peut mesurer le succès ou l'échec, on va dire, tant du projet que de la stratégie et de la gestion. Et ça permet, évidemment, et c'est le cinquième point, de faire des propositions, d'amélioration. Et dans différents secteurs, vous pourrez vous concentrer, je ne sais pas moi, sur la communication ou sur la comptabilité, à vous de voir ce que vous préférez. J'aime autant que, dans la mesure du possible, vous concentriez sur un aspect plutôt que de brosser un portrait complet, exhaustif de l'institution. Ça va rester superficiel. Donc, à un moment donné, vous verrez qu'il y a un endroit de l'institution qui vous intéresse davantage. Je reprends mon exemple de la communication. Mais ça peut être la programmation, voire le marketing ou les modèles de direction, enfin, que sais-je, et que vous focalisez davantage là-dessus dans votre recherche de solutions. Je trouverais ça plus percutant parce que ça vous permettra d'être assez précis. Voilà, pour le contrat, on va dire, lié à l'exercice, je le rappellerai hein, sans doute à la séance du 8 novembre, mais vous voilà déjà averti. Et j'ai encore quelques mots sur l'exercice, et puis vous pourrez évidemment poser vos questions. Alors, je vous conseille une méthodologie, mais à vous, éventuellement, de l'adapter. Donc, la première chose, il faut se répartir les tâches. Vous faites partie d'une équipe, donc c'est pas la peine que tout le monde fasse la même chose. C'est tout en question. Pour arriver à se répartir le travail. Est-ce que je peux éclairer ? C'est on-off. Donc c'est un peu puissant. Donc je vais couper de temps en temps. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça. Voilà. Magnifique. Du coup, on va éteindre l'espace. Voilà. C'est bien comme ça, hein? C'est mieux. La lumière est revenue, la chaleur s'en va. Bon. Et donc, je vous conseille de vous répartir le travail, puisque vous faites partie d'un groupe. Très l'avantage. Il y a plein d'inconvénients hein, dans un groupe, mais il y a beaucoup d'avantages. Alors, donc, il y a identification des sources, par exemple. Comment vous allez vous informer hein, sur la structure à étudier. Récolter des informations. Qui va aller où pour aller chercher et ramener en synthèse dans le groupe les infos. Qui va être le rapporteur qui fera la synthèse de tout ce qu'on a ramené comme information. Par contre, l'évaluation critique, je vous conseille là de vous regrouper. Donc, ce que je souligne, c'est que je vous conseille de faire ça tous ensemble. Même chose pour les suggestions hein, d'amélioration. C'est mieux de faire un think tank en groupe hein, et de réfléchir aux différentes propositions qui émanent de la collectivité à ce moment-là. Par contre, après, il faudra rédiger un rapport qui va rendre compte de l'enquête et des suggestions. Et là, vous pouvez déléguer de nouveau à une personne qui a une bonne plume dans le groupe ou deux hein, pour s'occuper de ça. Il faudra préparer l'exposé. Et il faudra faire un PowerPoint, parce que je vous demande, enfin, de faire une présentation orale du résultat de vos recherches. Vous pouvez envoyer un délégué, celui qui cause bien, faire tout l'exposé, ou alors vous pouvez vous répartir la parole, faites un peu comme vous voulez, mais à part les deux points soulignés, je pense que tout peut être réparti. Ce sont des suggestions. Alors, votre cahier des charges, en trois parties, c'est d'abord de faire une présentation plein exposé, vous avez 30 minutes par groupe, mais vous n'avez pas la parole 30 minutes, vous avez la parole 20 minutes, ce qui permet de laisser 10 minutes pour les questions et les commentaires de vos camarades. Et ce sera en fonction évidemment du calendrier. Normalement, 4 groupes de 5 étudiants, ça fait 20 étudiants, si vous êtes 60, 3 dates me suffisent. 20 plus 20 plus 20 égale 60. Donc j'arrive à entendre tous les étudiants en 16 groupes, hein, en 12 groupes, en 12 groupes sur 3 dates. Et donc les dates cette année au calendrier de l'année académique, c'est 6, 12 et 20 décembre. Donc soyez libres à ces dates parce que vous aurez peut-être la parole. Votre groupe présentera ce jour-là éventuellement le résultat de sa recherche. Mais même si vous ne me présentez pas, je vous demande d'être là, je vais faire ça dans un moment. Deuxième aspect du cahier des charges, il faut réaliser aussi un dossier écrit. 5 pages minimum, 3000 mots, sont des indications, vous pouvez faire plus, évidemment, mais ne faites pas moins. Avec la synthèse de la recherche et des résultats, avec des illustrations et de la documentation, le cas échéant, ça peut être un programme, un lieu d'activité, une campagne promotionnelle, que sais-je, ce que vous voulez analyser précisément, et que ce dossier écrit, il faudra me le remettre au plus tard le jour de l'examen. Donc entre la présentation orale, hein, qui se fera à une de ces trois dates en décembre, vous pourrez évidemment retravailler éventuellement en fonction des questions, des remarques, des objections que je ferai moi et l'auditoire. Vous pourrez retravailler éventuellement votre rapport et le remettre au plus tard le jour de l'examen. Donc ça c'est après la fin entre guillemets, puisque vous avez les examens ensuite de Noël. Troisième point du cahier des charges, je vous demande d'être présent aux présentations des autres groupes. Pour écouter, pour poser des questions, il faut que vous soyez là aux trois dates. Mais comme vous serez là toute l'année, enfin tout le collège à toutes les dates, je ne devrais même pas vous dire. Ça va ? Alors, oui. Est-ce qu'il ne s'agit pas du 13 décembre ? C'est le 12, c'est un lundi. Oui, et en effet, 6 plus 7 égale 12, égale 13, pardon. Ouais, c'est pas ça, attendez. Je ne fais pas le concours de l'unité. Je vais corriger en direct, et merci beaucoup. Voilà. Très évanescent. Ouais. Parfait. Alors, quelqu'un d'autre a des questions ? Si vous avez des questions plus tard, vous pouvez me les écrire. Voilà mon adresse mail. C'est une abréviation de l'adresse longue, elle marche aussi. Ok. Pas d'autres questions ? Alors, j'ai prévu maintenant, je ferai une petite pause, hein, entre les deux heures de cours, je ferai une petite pause. J'ai prévu maintenant de faire une revue de presse avec vous pour vous montrer, comme je l'ai dit en préambule, l'importance de la culture aujourd'hui et aussi l'actualité de la culture. Donc, dans les documents que j'utilise, outre la littérature scientifique et autres, etc., j'utilise pas mal. L'actualité, sous différentes formes, mais globalement la presse, parce que la question de la culture est constamment activée dans l'actualité et va au-delà d'un commentaire sur la qualité d'un spectacle, d'un film ou d'une exposition. Il y a beaucoup d'articles dans la presse, vous y intéressez, qui parlent d'enjeux liés à la culture. Et je voudrais, pour vous en convaincre, si vous n'êtes pas déjà, faire une petite revue de presse qui nous emmènera. On verra jusqu'où et on arrêtera quand vous serez au bout des cartouches. Dans trois secteurs, en tout cas, la question de la culture et de l'économie. Et parfois, c'est important de commencer par là. Parce que c'est là, souvent, que la culture est dénigrée, c'est par l'angle de l'économie. En gros, voilà, la culture, c'est de l'argent bêtement dépensé pour des paresseux qui feraient mieux de faire autre chose et de laisser les travailleurs concentré sur l'essentiel du monde capitaliste. Bon, on dit très bien. En fait, pas du tout. C'est complètement aberrant de tenir de tels propos. Et je vais vous montrer, à travers, évidemment, une petite revue de presse. Alors, la question de la culture et de la démocratie est également extrêmement importante. Et vous voyez qu'on touche à des piliers de nos sociétés. Hein, la question de l'économie, la question des libertés individuelles. Bon, voilà. Donc, la culture a vraiment un rôle majeur dans développement des valeurs démocratiques. On verra ça à travers une revue de presse également. Et enfin, la culture a à voir avec l'identité. L'identité dans un sens positif, hein, pas du tout dans un sens, pour aller très vite, communautaire, mais plutôt dans un sens de découverte et de reconnaissance d'identité plurielle, ayant toute hein, un intérêt évidemment important dès le moment où la culture nous intéresse, pas seulement la nôtre, mais celle de l'autre. Voilà, je vais donc ouvrir mes dossiers de presse, et le principe c'est que je vous donnerai chaque fois ma source, ça, plus rien ne va s'afficher. Donc je pourrais même couper la projection maintenant. Mais bien entendu, tout ça n'est pas un métier d'examen. Hein, bon, c'est juste une introduction que je fais avec vous aujourd'hui. Par contre, je vous donnerai chaque fois ma source. Et si vraiment vous voulez la noter pour aller la rechercher en archive ou quoi, n'hésitez pas à me la faire répéter. Hein. Et je vais lire quelques extraits que je vais commenter de ces différentes sources. Ce qui nous amènera éventuellement à débattre. Et bienvenue au débat. Donc si vous avez des réactions, des objections, des questions, n'hésitez pas. Ça va ? Les règles du jeu sont prêtes ? Alors, je vais ouvrir mon premier dossier sur le rapport à l'économie. Dans la revue Beaux-Arts Magazine, une revue qui fait l'actualité des Beaux-Arts, une revue française qui a longtemps été une revue un peu superficielle et qui est devenue désormais une revue assez intéressante et qui est mensuelle. Je vous conseille au moins de feuilleter si vous voulez l'acheter, parce qu'il y a parfois des articles qui peuvent vous convenir, mais qui brassent assez largement les Beaux-Arts, je dirais presque de l'Antiquité à nos jours. Mais on parle assez bien d'art contemporain désormais, et donc de notre actualité, on va dire, en tant que contemporain de ces artistes, à nous aussi. Voilà, et bien, dans le numéro de février 2016, donc il y a peu de temps, le numéro 380 de la revue Beaux-Arts Magazine, je suis tombé sur un édito qui renvoyait à un dossier, vous allez voir dans un instant, dont la presse avait également rendu compte, et je vais y venir également dans un instant. Tout ça s'emboîte un petit peu, ça va s'éclaircir. Le titre de cet édito, donc c'est la prise de parole un peu subjective du chef de la rédaction, qui se permet d'avoir un ton un peu libre et de balancer comme ça des informations sans tout à fait les référencer, parce que c'est dans le cadre de l'édito, mais nous sommes allés aux sources, donc on va les trouver dans un instant. Et donc l'édito, qui est un billet d'humeur comme ça, s'appelle « L'art, c'est bon pour l'économie ». L'art, c'est bon pour l'économie. C'est un rebrousse-poil de la doxa, de la pensée générale, sauf pour vous et moi, hein, qui sommes des passionnés de culture, et pour pas mal de gens, l'art n'est pas bon pour l'économie. Mais ici, je lis « L'art, c'est bon pour l'économie ». Alors, l'économie de la culture, dit l'éditorialiste, l'économie de la culture et de la création est un moteur majeur de l'économie mondiale. Elle représente 3% du PIB, donc du produit intérieur brut, et près de 30 millions d'emplois dans le monde. 30 millions d'emplois. C'est l'une des conclusions de la première étude sur le sujet, réalisée par un cabinet d'audit financier, dont je vous épargne le nom, à l'initiative de l'UNESCO. On parlera de l'UNESCO, mais dans mes introductions critiques et historiques, sachez pour le moment que c'est donc une instance officielle qui s'intéresse, et mondiale, notamment aux questions de culture. Et donc, cette étude, qui a été réalisée donc à l'initiative de l'UNESCO par un cabinet d'audit, a été publiée fin décembre 2015. Assez récent. Alors, les industries créatives et culturelles, puisqu'on les appelle maintenant comme ça, ICC, industrie créative et culturelle, génère un chiffre d'affaires de 2250 milliards de dollars, soit un montant supérieur à celui des services de télécommunication à l'échelle planétaire. Vous voyez combien les gens sont accrochés à leur module de télécommunication, quel qu'il soit, c'est pas mal. Donc la culture génère produits économiques, des montants supérieurs à toute l'entreprise, on va dire, mondiale de télécommunications. C'est assez, évidemment, édifiant. En Europe, aux États-Unis et au Japon, ces secteurs emploient davantage de personnes que l'industrie automobile. Juste après, dimanche sans voiture, c'est pas mal. Donc, il y a trop de voitures. S'il y a trop de voitures, ça fait beaucoup de voitures. Parce que beaucoup, c'est juste avant le trou. Donc, franchement, il y a beaucoup de voitures. Eh bien, dans, pas tout le monde, mais pas dans le monde entier, mais aux États-Unis, au Japon et en Europe, la culture génère davantage d'emplois que l'industrie automobile. Alors qu'il y a une tapée de gens qui sont occupés à fabriquer les voitures. La culture est donc non seulement bonne pour le moral, ça c'est son credo de directeur de revue consacrée aux Beaux-Arts, donc même en ne tenant pas compte de l'économie, la culture c'est bon. Moral, c'est utile, mais disons pour l'éducation, pour l'édification de l'individu, etc. Mais aussi essentiel à l'économie. permet les auteurs du rapport d'insister sur la nécessité pour les pouvoirs publics d'investir fortement dans ces industries créatives et culturelles. Ben oui, si on démontre, et le rapport est là, j'ai d'autres sources plus précises encore, donc il n'invente pas, il a vraiment pris connaissance de ce rapport, si la culture est, bonne pour l'économie, il faut évidemment investir dans la culture. Et c'est ce que, en général, on reproche au monde politique, c'est que les subsides publics pour soutenir la culture sont en général frileux, sous prétexte que la culture n'est pas bonne pour l'économie. Mais dès le moment où vous montrez, rapport à l'appui par les professionnels, commandité par de hautes autorités, que la culture et l'art en particulier est bon pour l'économie, alors évidemment il faut investir massivement dans l'économie. Mais on peut le démontrer. Donc c'est la suite. À l'instar de la Chine, dont le gouvernement a fait de la culture un secteur stratégique dès 2009. En 5 ans, ses subventions ont augmenté de 200%. Donc la Chine a compris qu'il faut investir dans la culture. 200% d'augmentation. L'Italie, elle, a décidé d'affecter 1 milliard de budget supplémentaire à la sécurité, suite aux différents attentats. On en reparlera dans le deuxième, dans le troisième. Ouais, dans le deux et le troisième point. Donc l'Italie a décidé d'affecter 1 milliard de budget supplémentaire à la sécurité et un autre à la culture. Cela pour lutter le terrorisme. Alors il cite le président du conseil Matteo Renzi, en Italie, qui a dit « Ils imaginent la terreur, parlant terroriste, nous répondons avec la culture. » Et donc, sur les 11 secteurs, télévision, art visuel, presse, publicité, architecture, édition, spectacle vivant, jeux vidéo, cinéma, musique et radio, qui constituent les industries culturelles et créatives, donc c'est pas seulement la peinture. Hein. Je vais les répéter parce que c'est assez intéressant. Donc, il y a à la fois les arts visuels, mais aussi la publicité, la télévision. Donc on comprend hein, la masse des chiffres. Mais désormais, ça j'en parle en cours de stratégie, notamment, la publicité fait partie des industries créatives. Donc avant, on mettait d'un côté ces opérations commerciales, on va dire, et de l'autre, la création majeure qu'est la sculpture, la peinture, l'architecture, que sais-je. Maintenant, c'est regroupé dans ce qu'on appelle les industries culturelles et créatives. Mais on parlera de ça en stratégie sur culture et création. Bref, donc, dans ces 11 secteurs repris par l'enquête, il y a évidemment des grosses machines, hein, les jeux vidéo, le cinéma, ce qui explique évidemment le volume d'argent et d'emploi que j'ai cité précédemment. Eh bien, malgré tout, parmi ces 11 secteurs, aussi différents, hein, je rappelle de la pub ou du cinéma, le premier pourvoyeur d'emploi est très largement celui des arts visuels. Ah, donc plus que la publicité. Et il se place en deuxième position, après la télévision, en termes de revenus générés. Donc d'une part, il y a le nombre de gens qui sont actifs dans le domaine, et ça, c'est d'abord les arts visuels, ensuite, c'est le volume financier, on va dire, qui est généré par l'activité. Et là, c'est deuxième position, juste après la télévision, qui elle bat tout le monde en termes de recettes. Les arts visuels sont loin devant le cinéma, les jeux vidéo, la musique. C'est là une vraie belle surprise pour le rédacteur-chef de la revue Beaux-Arts Magazine, bien sûr. Autre point d'étonnement. Les arts visuels, l'Asie, représente le marché le plus important des ICC, industries culturelles, avec 34% des revenus mondiaux de la culture. 40% des emplois et la plus grande base de consommateurs. Donc l'Asie, aujourd'hui, c'est incontournable, est un endroit essentiel au niveau de l'hémisphère nord pour les questions de culture. Quand on dit que la Chine investit 200% dans la culture, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est là qu'on est dans des machines absolument incroyables qui absorbent désormais la majorité des emplois et des revenus liés à la culture. L'Asie est suivi de peu par l'Europe, exact. Vous avez lu le rapport? Non? C'est bien deviné. L'Europe, juste après. 32% des emplois, donc des revenus, et 25% des emplois. Bon, c'est pas peu importe les chiffres, le classement est intéressant. Et enfin, troisième position, les États-Unis, exactement. Et l'Amérique du Nord, disons, les États-Unis, le Canada. 28% des emplois, non, des revenus, pardon, et 15% des emplois. Bon. Cette dernière souffrant, donc l'Amérique du Nord, hein, selon les experts du rapport, d'une forte baisse des subventions publiques, au point de mettre le secteur en difficulté. Donc si l'Amérique du Nord est en troisième position par rapport à l'Europe et l'Asie, c'est parce qu'il y a une baisse dans l'investissement public de la culture. L'Amérique du Nord demeure cependant la région du monde où l'on trouve le plus de créateurs, tout domaine confondu, ainsi qu'un réseau unique d'équipements culturels, d'universités, etc. C'est vrai. Alors, encore un petit concours. Le top 5 des villes réunissant un nombre record de créatifs, entre guillemets, c'est-à-dire des artistes, des auteurs, des designers, des musiciens, etc. Alors, le top 5, nous dit l'éditorialiste, est également riche d'enseignements. Alors, quelle est la ville numéro 1, à votre avis, la ville leader mondiale sur le plan culturel d'après ce rapport? Miami. Non. Miami. Miami. Miami. Miami. Non. Oui. New York. Numéro 1. Deuxième position. Londres. Exactement. Troisième, Paris. Alors, quatrième position. Bruxelles. C'est très bien. Mais comme c'est une rue française, ils n'aiment pas le classement de Bruxelles. Peut-être que c'est dit dans mes autres articles, je regarde. Non, San Francisco. Donc la côte ouest des États-Unis. C'est normal, hein. Silicon Valley, tout ça, ça bouge. San Francisco, Los Angeles. Et enfin, on peut le deviner, ça doit être une ville en Asie. Hein. Et donc, une ville en Asie, où le land. Tokyo, j'entends. Tokyo. Non. Shanghai. Shanghai, oui, ça pourrait être Tokyo, ça pourrait être Shanghai, mais non, c'est Singapour. Bah, en tout cas, l'Asie est représentée. Donc, vous voyez, première ville Amérique du Nord, deuxième ville Europe, troisième ville Europe, puis on retourne aux États-Unis, San Francisco, et enfin en Asie. C'est assez bien réparti dans le monde. Voilà. Alors, je ne vous lis pas l'intégralité, parce que j'en ai déjà lu beaucoup, mais la conclusion est, comme le prouve cette étude, la culture est un enjeu au moins aussi important que l'industrie automobile. Ce qui réclame qu'elle occupe une place centrale dans la réflexion, les discours et les engagements des hommes et des femmes politiques. Refondre et dynamiser notre politique culturelle et nos industries créatives doit être au cœur de notre projet de société. Voilà. Comme il est 18h, je vais faire une petite pause de respiration pour tout le monde. Je me demande si je ne vais même pas ouvrir une fenêtre pour l'instant. Et donc on se retrouve dans 5 bonnes minutes pour continuer cette revue de presse. D'abord un article paru dans le journal Le Soir, un des grands journaux de Paul Belge, et c'était le 4 décembre 2015, en effet, la manchette était « La culture crée plus d'emplois que l'automobile ». Donc c'est vraiment le fait qui avait marqué le journaliste, c'est vous dire. Et donc il en avait fait son titre accrocheur. Alors je ne vais évidemment pas vous lire intégralement cet extrait de presse que j'ai ici sous les yeux, mais quelques éléments qui viennent compléter ce qu'on a déjà dit à travers l'éditorial par exemple, dans l'article du journal Le Soir, donc du 4 décembre, il y a une interview d'un des auteurs de l'étude. C'est intéressant. Donc on lui pose une question qui est la suivante. La culture est un moteur de l'économie. Non, j'en ai convaincu. Hein. Mais ce n'est pas un produit de consommation, comme une voiture. C'est autre chose, c'est quelque chose de singulier par rapport à un objet matériel que l'on peut acheter, consommer, au sens plus basique du terme. Donc le journaliste lui dit, comment peut-on définir sa valeur? Une voiture coûte un prix parce qu'on connaît le processus de fabrication, l'emploi qu'il y a derrière, le matériau, les machines, l'usine à amortir, que sais-je, puis on définit le prix d'une voiture. Pour la culture, c'est plus difficile. Donc comment on définit la valeur? Tant qu'on a un économiste sous la main, il faut lui poser évidemment ce genre de questions. Alors, le spécialiste en question répond. Ce n'est pas un produit, en effet. C'est un bien social, un acte magique, qui doit être protégé, mais aussi encadré par des réglementations. Parce que la culture parle aussi la langue de l'économie. Elle est produite, distribuée, diffusée. Un artiste ne peut pas vivre que de la beauté de sa création. Il faut un acte économique pour la valoriser. Voilà, ce qui est tout à fait juste. Ça, on verra tout au long de l'année, je dis l'année, trois trimestres, qu'une fois que la culture est générée par des propositions artistiques, dirons-nous, c'est que le début d'un processus, évidemment, qui est un processus, effectivement, d'abord de réalisation, éventuellement, concrète, et puis de diffusion, et de monnayage, éventuellement, en termes de valeur proprement économique. On verra tout ce processus. Donc, il a raison de dire ça. C'est d'abord un acte magique, l'acte de création, mais après, l'idée qui en découle rentre dans un circuit économique qui passe par une forme de matérialisation. Hein. Par exemple, un romancier a l'acte magique de l'invention d'une histoire, et un roman, ça forme un livre en chair et en os, qui entre dans un circuit de distribution. C'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour le théâtre, la musique, et bien la cause. Donc il y a un moment où l'acte de création s'inscrit dans un circuit de distribution, pour les très vite, de production, de distribution économique, hein, qui donne une réalité tangible, évidemment, à la culture, inscrite dans des questions relatives à l'économie. Deuxième question que j'ai retenue, on lui dit au plan politique, la culture figure, fait souvent figure de parents pauvres. L'homme n'aurait-il pas besoin de culture comme d'un toit et d'un repas pour vivre? Il répond, l'expression du besoin culturel est très juste. C'est un acte fondamental de l'être humain, qui peut être parfois élitiste ou extrêmement symbolique. Mais chacun d'entre nous est confronté chaque jour à la culture. Nous habitons tous dans une architecture. Nous sommes tous confrontés à l'art visuel ou musical dans notre quotidien usuel. En cet ordre de crise, il y a des endroits du monde où la culture est abandonnée, alors qu'elle est une vraie source de développement. Dans d'autres pays, le mécénat ou des mécanismes de crowdfunding, on parlera de ça plus tard, ont pris le relais des financements publics. Partout sur la planète, la part du privé dans le financement de la culture est appelée à augmenter. Il n'y a pas de modèle idéal, mais il est bon de confronter la culture aux questions de la recette privée et aux jugements sévères du public. Voilà, donc la culture est un bien essentiel. Et donc, il faut absolument faire en sorte qu'elle puisse se développer. Et là où l'État recule, le privé va avancer. Donc on va aboutir de plus en plus à une économie mixte de la culture, une économie qui croisera des sources de financement publiques et privées. Alors qu'il fut un temps où l'on séparait de façon plus étanche la culture de qualité, qui est une culture publique, financée par l'autorité publique, à travers les musées et autres structures subsidiées par la culture, par le ministère de la culture. Et puis, on arrive avec une solution complémentaire désormais, qui est les subsides privés. Et donc, avant, c'était étanche. Et donc, tout ce qui était privé, c'était, on va dire, le divertissement, le cinéma commercial, la musique populaire, etc. Et ça, c'était faire des sous, faire des recettes, et générer les stars, millionnaires, qui livraient la chronique People, hein, autant que les critiques musicales. Vous voyez ? Donc, on vivait à un moment dans un monde binaire, hein, avec d'un côté les vilains privés, et de l'autre les gentils publics. Ça va ? Avec les vrais artistes d'un côté et les idoles de l'autre. Bien. Mais tout ça, aujourd'hui, comme beaucoup de choses dans le monde contemporain, se trouble. Hein, les frontières, dans tous les sens du terme, sont poreuses désormais. Hein. Et donc il insiste là-dessus, en disant, voilà, la culture est un bien essentiel. Il ne faut pas le faire de nous. Et pour que ce bien survive, il faut accepter ces nouveaux processus de financement de la culture, mixant privé. Ça n'est plus un problème, ça n'est plus un tabou. c'est quelque chose qu'on va créer. On verra souvent, hein, dans les exemples que je cite, et pour ceux qui viennent en stratégie, avec les invités qui viendront nous parler de leur métier, que cette combinaison complémentaire de sources publiques et privées de financement de la culture est désormais, effectivement, en croissance. Une dernière question que j'ai soulevée, adressée à cet expert du rapport, hein, vous abordez aussi la question des droits d'auteur. Une donnée essentielle du développement culturel. Il répond, créateurs, éditeurs, producteurs, distributeurs, tous affirment que la protection des auteurs, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, doit évoluer. Elle ne permet pas de trouver le juste équilibre dans un monde où le piratage et le tout gratuit atteignent des niveaux préoccupants. La question de la défense de la propriété intellectuelle est stratégique face à des géants de l'Internet qui ont popularisé le modèle du tout gratuit. Personne n'a encore la réponse, mais on ne pourra pas en faire l'économie. On ne peut pas laisser les créateurs ne pas être rémunérés justement pour leur création. Ça, on le verra aussi quand on abordera les modèles professionnels sous-jacents au manager d'un côté et à l'artiste ou le créateur de l'autre. C'est des modèles professionnels qui s'affrontent, et notamment sur le plan des rémunérations. Comment est-ce qu'un créateur se rémunère? La question des droits d'auteur est importante. Et donc, aujourd'hui, cette question elle n'est pas maîtrisée totalement. Et elle devrait l'être, parce que, de fait, les nombreuses réactions du monde artistique à ce rapport, c'est de dire, alors voilà, l'art nourrit la culture nourrit l'économie mondiale, il y a un tas de gens qui ont du boulot, il y a des entreprises qui s'enrichissent, que sais-je, et nous, les artistes, alors qu'on est à la source de tout cela, on vit dans la misère. Je synthétise, mais beaucoup de réflexions ont été faites dans ce sens, c'est-à-dire que l'artiste est le parent pauvre de toute cette chaîne économique, alors qu'il en est à l'origine. Voilà. Alors, cet article, évidemment, rendait compte de ce grand rapport, qui a fait beaucoup de bruit, vous pouvez l'imaginer, puisque dans l'autre grand quotidien national, à savoir la Libre Belgique, eh bien, le même jour, le vendredi 4 décembre, il y avait également une double page dont je vous fais l'économie de la lecture. Parce que nous allons recouper les mêmes informations. Mais donc, tout cela a fait grand bruit il y a moins d'un an. Et je tenais à vous en rendre compte aujourd'hui pour vous dire que ne vous laissez jamais déstabiliser par quelqu'un qui prétend que la culture est une perte d'argent. Au contraire, la culture nourrit l'économie mondiale, et vous pouvez le dire, plus que l'automobile. Alors, cependant, ce rapport est le bienvenu, parce qu'on peut désormais s'appuyer sur un rapport dont l'autorité est reconnue. Mais bien avant, dans mes revues de presse, je tombais sur la littérature engagée en faveur de cette reconnaissance nécessaire de l'utilité de la culture à l'économie. Et par exemple, ici j'ai un extrait de la Libre Belgique qui date du 25 et du 26 octobre 2014, donc avant l'apparition de l'article du rapport, plus d'un an. Eh bien, il y avait déjà dans les pages débat ici du journal des questions similaires qui étaient abordées. Et je vais vous en lire un extrait pour vous le prouver, et puis on clôturera peu à peu ce premier volet sur la culture et l'économie. Donc, dans un article qui ouvrait la polémique sur le fait de brandir l'importance économique de la culture pour la défendre, eh bien, un des intervenants répondait à la question suivante. L'argument du poids économique représenté par la culture est-il un bon argument à mettre en avant pour la défendre? C'est ce que je vais faire. De défendre la culture comme ça. Est-ce que la culture a besoin d'être défendue sur ce terrain-là? Je pense que oui, parce qu'elle a des détracteurs sur ce terrain-là. Mais est-ce que c'est l'essentiel de la réussite de la culture que de générer un profit économique? Voilà, ça c'est la question que vous posez. Donc, amenons-la sur le terrain maintenant, à partir d'un article de 2014. La personne répond. Dans une société et un monde qui n'entend et ne lise plus les choses qu'à l'aune de l'argent, c'est-à-dire regardant à travers le filtre économique, de la rentabilité, du profit, du bénéfice et du reste, il est probablement utile et judicieux de faire valoir, parce que c'est vrai, que la culture constitue une ressource économique extraordinairement importante dans les sociétés occidentales. On sait, parce que nombre d'institutions culturelles en ont fait l'analyse, que 1 euro dépensé dans une institution culturelle procure un retour de 2 à 3 euros, selon les contextes et l'ampleur des institutions. Donc, quand on investit 1 euro dans la culture, eh bien, on récupère en fait 2 ou 3 euros en retour de prospérité économique, avec les emplois créés, les recettes engrangées, etc. Mais Jack Lang, qui a été un ministre de la culture français assez remarquable, qui a vécu sur la scène politique avec l'élection de François Mitterrand, en tout cas à ce poste, dans les années 80, Jack Lang, dit notre interlocuteur ici, a une plus belle formule. Il dit, je cite, « La culture est un excellent placement. Un euro accordé à la culture est rendu au centuple en bonheur de vivre et en développement humain. » Donc voilà, il y a l'argument économique qui dit, oui, mais 1 euro à la culture, c'est 2 ou 3 euros qui manquent. Et puis il y a l'argument politique qui dit, oui, mais 1 euro à la culture, c'est 100 euros qui reviennent en qualité de vie. Voilà, poursuit la personne, un argument qui me paraît au moins aussi important que l'argument économique. La question est de savoir quelle société nous voulons. Pour ma part, je plaide pour une société dans laquelle il y a de la transmission, de la création, de l'invention, dans laquelle les hommes et les femmes savent d'où ils procèdent, sont capables de rencontrer les autres dans leurs différences, puisque nous sommes des sociétés multiculturelles. Des gens qui ont les ressources pour construire un avenir, pour eux-mêmes et pour tous. C'est aussi cela la culture. Les théâtres, les salles de concert et les salles d'opéra sont des agora, des endroits où la foule se rencontre, des lieux où des citoyens vivent ensemble une émotion esthétique. Et cette communauté fait société. La culture, c'est du sens et du lien. Cet argument devrait suffire à lui seul pour la défendre. Oui, on glisse petit à petit vers culture et démocratie, culture et identité. Mais vous voyez que si on peut désormais défendre avec aplomb la culture sur le plan économique, à vrai dire, on ne devrait pas devoir le faire, parce que la culture concerne des, comment dire, enjeux humains et sociétaux impérieux qui touchent au bonheur de vivre et à la qualité d'entente entre les gens. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, même si j'ai encore pas mal d'articles qui vous prouvent que, avant le rapport de fin 2015, beaucoup de personnes défendaient déjà dans la presse l'importance économique de la culture et, par conséquent, la reconnaissance de cette qualité par une subsidiation du monde politique à la hauteur des besoins. Mais je voulais quand même épingler des articles plus récents encore qui, en fait, passent de la théorie à la pratique, pour nous en tout cas, puisque c'est un cas belge ici que je vais mettre en avant. Alors, quand on dit, oui, voilà, la culture enrichit l'économie, pour l'économie, l'art, c'est bon pour l'économie, on a vu les chiffres au niveau mondial, global. Maintenant, voici un exemple concret au niveau local. Alors, un grand événement culturel. Après, on peut apprécier ou pas ce qu'il y avait derrière en termes de contenu. Peu importe, je ne fais pas de jugement de valeur là-dessus. Mais il n'empêche que c'était un grand événement culturel récent en Belgique, c'est tout de même Mons 2015. Mons 2015, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ça, c'est une grosse machine. C'est-à-dire capitale européenne de la culture. Ça veut dire gros investissements publics, des enjeux importants en termes de fréquentation, de qualité de programmation, etc. Et puis un bilan qui est tiré évidemment à la fin, puisqu'il y a de l'argent public européen notamment qui est mis là-dedans. Après, on vérifie si l'argent a été bien investi, surtout s'il a bien été géré. Et bien voilà, donc l'étude a été faite pour Mons 2015 et les chiffres sont sortis au mois de juin, donc tout récemment. Donc j'ai épinglé pour vous dans la presse trois articles, un qui est paru dans Le Soir le 14 juin, tout récemment, et qui titre « Mons 2015 à la puissance 5,75 ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, premièrement, une étude a été commandée à un consultant international par la Fondation Mons 2015 pour faire le bilan de la capitale européenne de la culture. façon parallèle et un peu anticipée, le bourgmestre de Mons, qui n'est autre que l'ancien Premier ministre Élodie Rompuy, a demandé une étude parallèle à un professeur d'université montois pour également calculer les retombées économiques de Mons 2015 pour le chef-lieu du NE. Vous savez que Mons est en Hainaut, et là, sur cette partie de territoire, il y a un économiste qui, parallèlement à l'étude du consultant, hein, qui a été mené pour voir les résultats, et aux merveilles, les deux rapports convergent. Voilà. L'expert montois dit, je le cite, « Un jour, Martine Aubry, la maire de Lille, donc Lille a été une capitale européenne de la culture assez exemplaire, proche de chez nous, hein, et proche de Mons, parce que la frontière n'est pas loin, et Lille est juste après la frontière. Et donc, Lille, capitale européenne de la culture, est un modèle, en fait, une espèce de référence, un étalon, on devrait dire, par rapport auquel on se compare quand on organise, notamment Mons 2004. Et donc Martine Aubry, qui était aux commandes hein, de la ville, qui l'est toujours, je pense, mais qui à l'époque était aux commandes de la ville quand Lille est devenue capitale européenne de la culture, et c'était dans les années 2000, avant 2010, je pense, eh bien, elle a dit un jour, l'opération avait fait gagner 6 ans à sa ville. Et de fil en aiguille, le rapport de 1 à 6 s'est imposé dans les esprits, à Mons aussi. Donc tout le monde s'est senti dans l'obligation de multiplier par 6. Tout à l'heure, on disait 1 euro investi, 2 ou 3 de retour, ou Jack Lang disait 100 euros de bonheur de revenu. Ici, plus concrètement, on s'est dit qu'il faut un rapport de 1 à 6 entre ce qu'on a investi et ce qui nous revient. Donc, 1 euro public investi, 6 euros d'impact sur l'économie locale. Eh bien, il en faut. Donc, je vous cite l'article un peu plus bas. Au bout du compte, Mons 2015 affiche le bilan escompté par ses organisateurs. Si l'on en croit l'étude du professeur de l'université, montoise, le ratio investissement public-retombées économiques évolue dans une fourchette entre 5,6 et 6,2. Sur base de comparaisons portant avec les arrondissements voisins de la Nièvre et de Hatt, hein, on compare des endroits où il n'y a pas eu Mons 2015, et on voit comment ça évolue, et bien on se rend compte que grâce à Mons 2015, la ville de Mons et la région du Hainaut a avancé beaucoup plus. Donc, l'expert dit, si je devais retenir une évaluation plus précise de l'effet d'entraînement obtenu par le statut de capitale européenne de la culture, ce serait 5,75, donc c'est la moyenne entre 5,6 et 6,2. Et de fait, c'est le titre de l'article. Donc, on l'aura compris, Mons n'a pas à rougir de la comparaison, pourtant très difficile hein, à soutenir, à relever avec Lille. Donc, fois 5,75, Mons 2015, c'est du concret, c'est à nos portes, ça marche. D'ailleurs, un peu plus tard, dans la presse, le 22 juin, dans le soir, ouais, paraissait le total des visiteurs. Donc pour arriver à faire un levier comme ça de quasi fois 6, il faut évidemment engranger des recettes, notamment, pour rentrer dans le spectacle, mais aussi pour aller boire des bières sur la place, pour aller dans un restaurant, réserver une nuit d'hôtel, louer une voiture, tout ça, toute l'économie est impactée, hein, évidemment, par les gens qui vont participer à l'événement. Eh bien, le nombre de visiteurs a été comptabilisé, 2 182 622. Donc, c'est pas mal, hein, 2 millions et davantage de visiteurs pour Mons 2015, ce qui explique l'excellent résultat en termes de ratio entre l'argent investi et le résultat obtenu. Donc, plus précisément, la Fondation Mons 2015 a dévoilé mardi, nous dit le journaliste, les chiffres de fréquentation de l'événement et l'impact net pour l'économie belge. L'audit fait état d'un retour de 5,5 euros net, donc ça c'est l'étude de l'expert, pas le prof montois, lui il était un peu au-dessus, 5,5 euros net par euro investi par les autorités publiques régionales. Le budget de l'événement a dépassé 71 millions d'euros et près de 6 millions ont été dégagés pour assurer la pérennité de l'esprit de Mons 2015. Et ça, c'est le dernier point que je voulais voir avec vous. Et ça, c'est vraiment intelligent. C'est que, non seulement, ils ont remporté leur pari, hein, l'investissement a été multiplié par 6, ils ont eu plus de 2 millions de visiteurs, bravo, hein, sur le plan de gestion culturelle, c'est un résultat impeccable. Mais encore, dans le bénéfice engrangé, c'est-à-dire qu'une fois que tout cet argent a été levé et puis qu'on a payé toutes les factures et que tout le monde a absorbé ce qui devait être absorbé, il reste de l'argent. Il reste presque 6 millions. Et ces 6 millions sont réinjectés dans l'après-Mons 2015. C'est souvent ce qu'on reproche à ces grandes manifestations. et pas seulement pour capitale européenne de la culture, hein, ça existe pour d'autres manifestations aussi dans le monde, c'est que les responsables des villes, l'autorité publique va investir massivement, et puis il y a éventuellement un retour, et puis c'est le désert. Et donc c'est un événement qui ne perturbe pas. Or, Lille est de nouveau un modèle, puisque Martine Aubry a décidé, justement avec le solde d'argent qui lui restait dans tout ce qu'elle avait pu engranger avec l'événement, de réinvestir cet argent dans des événements périodiques qui réaniment évidemment régulièrement la ville de Lille avec de grandes messes culturelles. Et bien ici, c'est pas. À Mons, ils ont gardé 5 points lumineux qui vont être utilisés pour mettre en place ce qu'ils appellent la biennale. L'après 2004. Et une des façons de faire, ce sera notamment d'organiser sans doute une biennale artistique, culturelle, à partir de 2018. Je voulais vous citer un dernier extrait avant de clôturer cette première revue de presse qui est plus longue que les deux autres, ne vous en faites pas, sur l'impact économique. Donc la ville de Mons avait sollicité l'université de Mons à propos de l'impact économique. La fondation de Mons 2015 a mobilisé quant à elle le bureau d'études spécialisées dont je parlais, et tout ça pour vous dire que les deux points de vue se sont rejoints et que le projet a permis donc de créer ou de préserver 380 emplois en moyenne par an et 2000 emplois en 2015 lors du pic d'activité. L'étude montre les investissements, ça je vous ai déjà dit. Et voilà, plus précisément sur l'après Mons 2015, une fondation Mons 2015 a déjà succédé à la fondation, une fondation Mons 2025 a déjà succédé à la fondation Mons 2015. Elle s'appuiera aussi sur l'expérience artistique du manège pour Mons, qui était un des lieux phares de Mons 2015 sur place. Et le bonif de 5,8 millions est une aubaine. D'autres moyens seront sollicités. L'objectif est de créer une biennale à partir de 2018, de la fin août au mois de novembre. Cela se fera dans l'esprit de Mons 2015 avec une fête d'ouverture, un effort sur les arts vivants, une grande exposition au niveau européen, la participation et l'implication des citoyens. Donc, désormais, Mons devrait être une ville où la culture compte, hein, et l'après Mons 2015 sera différent de l'avant, puisque de l'argent a été réservé et investi pour développer un après Mons 2015. Voilà. Donc c'est assez bien géré sur le plan du management culturel. Bravo. Ça va ? Bon, j'espère vous avoir convaincu qu'il y a des enjeux économiques très importants, et même au-delà, à travers cette courte revue de presse, puisque je vous ai épargné la lecture de l'intégralité de mon dossier. Alors je voudrais quand même qu'on touche, avant de nous séparer, à la culture et à la démocratie. Un autre événement, par Mons 2015 et l'arrivée de ce rapport commandité par l'UNESCO nous a marqué, c'est bien sûr les attentats, tant en France qu'en Belgique, qui sont survenus depuis le mois de décembre 2015 au moins. Alors, j'épingle un article paru le 4 décembre 2015, à vrai dire, le même jour que l'article sur le rapport de la qualité économique de la culture, mais qui parlait de tout à fait autre chose. C'est un article qui est signé par Dujardin, qui est en fait, c'est Paul Dujardin, le directeur de Beaux-Arts. Vous reconnaissez Beaux-Arts ? Si vous voulez un sujet d'étude, c'est pas mal. Hein. Beaux-Arts, comment Paul Dujardin en a fait un lieu incroyable, alors qu'au départ, c'était une structure un peu mal partie. C'est assez étonnant. Mais soit, cet homme est souvent invité à s'exprimer ou prend la parole dans les cartes blanches. Et ici, il a sorti une carte blanche le 4 décembre 2015. Donc, revenons un peu en arrière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu ce qu'on a appelé un lockdown de la capitale suite aux attentats de Paris de novembre. Hein, tout d'un coup, la Belgique est montée en état d'alerte. Et l'ouverture des lieux culturels est descendue d'autant, et donc beaucoup de spectacles, de cultures ont été annulés ou fermés. Donc, il décide de publier une carte blanche à ce sujet, et nous entrons dans le vif du sujet du rapport entre la culture et la démocratie. Voici ce que dit en titre Paul Dujardin : Nous sommes les casques bleus de la culture. Les casques bleus, c'est les soldats de la paix, hein, développés, déployés dans le monde entier, dans les zones de conflit, par l'ONU. Je cite quelques extraits de sa carte blanche. Sinistres impressions que celle ressentie la semaine dernière en voyant le Palais des Beaux-Arts fermé pendant des jours, comme la plupart des institutions culturelles de Bruxelles. Des dizaines d'événements ont dû être annulés et des milliers de visiteurs, billets d'entrée dans la poche, ont trouvé porte close face à des soldats montant la carte. Un désagréable sentiment d'impuissance s'est emparé de nous. Nous ne voulions pas céder. Nous sommes convaincus, comme le sont d'innombrables autres acteurs de notre secteur, que la culture est une arme puissante pour faire front face à la menace actuelle. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre italien, Matteo Renzi, nous appelle les casques bleus de la culture. Vous vous souvenez, c'est celui qui a décidé de donner autant d'argent à la sécurité qu'à la culture. Un peu plus loin, dans sa carte blanche, j'épingle une autre phrase. La force douce de l'art et de la culture peut être plus puissante que la force brute des canons et des armes à feu. L'art et la culture peuvent tisser des liens entre des pays et des continents qui s'éloignent sur le plan politique ou économique. Il ne s'agit pas d'affirmer la supériorité de notre culture, de tomber dans un impérialisme culturel, mais de stimuler l'interaction entre les cultures, la compréhension mutuelle et la connaissance de l'autre. Il s'agit de chercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous sépare. Un peu plus loin, il dit encore, espérons que les dirigeants de l'Union européenne et des États membres prennent exemple sur l'Italie, où le Premier ministre Matteo Renzi a décidé d'investir 1 euro dans la culture et l'innovation pour chaque euro investi dans la lutte contre le terrorisme. La réduction prévue de l'impôt des sociétés est repoussée d'un an pour financer cette politique. De nouvelles bourses d'études sont créées. Les jeunes reçoivent un chèque culturel de 150 euros et les citoyens peuvent attribuer eux-mêmes 2% de leur contribution à une institution ou à une organisation culturelle. Donc ça, on va en reparler parce que ça a donné des idées à Bruxelles, vous allez voir dans un instant. Mais donc, on a donné un chèque culture aux jeunes. Voilà, 150 euros, va voir de la culture parce que ça va ouvrir ton esprit et éviter les querelles par la suite. Et on a également... proposer aux citoyens de consacrer 2% de leurs impôts à une organisation culturelle. C'est intéressant. La proposition de Renzi a une portée symbolique considérable. Il dit, ils détruisent des statues, nous voulons des casques bleus culturels. Ils brûlent des livres, nous construisons des bibliothèques. Ils sèment la terreur, nous répondons par la culture. Et Paul Dujardin conclut en disant « Nous espérons ne plus jamais devoir fermer les portes des théâtres, des musées, des salles de concert et des centres artistiques et culturels, et pouvoir jour après jour continuer de proposer au public beauté, réconfort et contestation provenant des quatre coins du monde. Car notre unique arme contre l'ennemi insaisissable est la culture. Nous sommes investis d'une lourde responsabilité. Comment le secteur artistique et culturel peut-il contribuer à refaire de nos quartiers et de nos villes des cocons chaleureux au lieu de zones interdites sous haute surveillance? Artistes, scientifiques, intellectuels, entrepreneurs, responsables publics, jeunes mais aussi éducateurs de rue, enseignants et bénévoles engagés, apportons nos contributions à l'édification d'un projet commun au lieu de chercher à le détruire. Casque bleu de la culture, formons un front d'ouverture face aux germes de la terre. Alors, c'est un petit peu angélique, hein, on pourrait dire, presque naïf, mais tout de même, ça a le mérite d'être dit avec force et conviction que la culture a un rôle à jouer dans la question cruciale de la démocratie face notamment à la menace terroriste. N'hésitez jamais à réagir ou à poser des questions. Alors, dans cette même carte blanche, la parole est donnée à d'autres responsables culturels qui disent qu'il faut évidemment faire le choix de la culture, notamment à Bruxelles, et qu'il faut absolument, au lieu de fermer les lieux culturels, les refinancer. Et donc, plus on financera la culture, plus, évidemment, on devrait éviter, d'après nous, le choc de civilisation intolérante les unes par rapport aux autres. et notamment favoriser l'accès à la culture avec cette idée du chèque culture. Et après, on pourrait dire aussi d'une politique tarifaire qui permet à toutes les strates sociales d'une société d'accéder à la culture. Alors, j'avais épinglé, toujours dans cette revue de presse liée à la culture et à la démocratie, un article de janvier, 13 janvier 2016, dans la Libre, qui était en fait consacré à Yann Gossetz. Alors, on parlera régulièrement de manager, de responsable culturel, et Yann Gossetz, c'est un très bel exemple. Quelqu'un sait qui c'est, Yann Gossetz? Paul Dujardin, vous voyez qui c'est, avant que je vous le dise? Non, ben, retenez, parce que lui, il est toujours en fonction. Paul Dujardin, Rosa, c'est un type assez content. Ensuite, Yann Gossetz, c'était le directeur du KVS. Donc c'est le Théâtre National Flamand. Sauf que les Flamands utilisent le Théâtre Royal, le Koninklijke Vlaams Schouwburg, donc le Théâtre Royal Flamand. On vit dans un drôle de pays, je dis ça par rapport aux Erasmus là, qui sont venus nous trouver. Donc on vit dans un drôle de pays. C'est encore un pays, mais plus tout à fait. Et donc, vous avez un Théâtre National Flamand et un Théâtre National Francophone. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, on a effectivement ce qu'on appelle le Théâtre National, dont la direction vient d'être changée, d'ailleurs. Il y a un nouveau directeur, maintenant, qui est un acteur, d'ailleurs, un jeune acteur et metteur en scène. Mais on en reparlera peut-être une autre fois. Et on a un théâtre royal, qui est, lui, flamand. Eh bien, il avait un directeur formidable, ce KVS, c'est M. Yann Gossetz. Et Yann Gossetz, après des années de bons et loyaux services et d'engagement, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment eu un propos toujours très engagé en tant qu'homme de culture et qui se traduisait par une programmation très ouverte au monde, même si son théâtre s'appelle le Théâtre Royal Flamand. Et ce deux a finalement achevé, on va dire, sa belle carrière au KVS pour aller à Marseille, où il dirige désormais le Festival de Marseille, un très gros festival, un peu comme le Kunst Festival des Arts ici, ceux qui connaissent, mais à Marseille. Et donc lui aussi, à un moment donné, dans l'interview qui faisait le point sur son arrivée à Marseille, il n'a pas pu s'empêcher de prendre position, puisque nous sommes dans cette période, hein, c'est un article du 13 janvier 2016, et bien, il dit « La culture ne peut pas changer le monde, mais je sais qu'on ne pourra pas changer le monde sans la culture. » Et il répond également à une dernière question du journaliste qui lui dit « Malgré les investissements culturels énormes dans la région, donc Marseille, hein, en France, la culture ne touche toujours pas d'importantes catégories de la population. » Et il répond « Je viens d'arriver à Marseille et je découvre d'importants problèmes sociaux. La culture n'est évidemment pas la seule réponse. Il faut y joindre la formation, l'enseignement, l'emploi. Mais la culture doit montrer à tous qu'aller à la rencontre, échanger, faire connaissance, est un antidote à l'angoisse et au repli sur soi. Cela montre que l'autre n'est pas qu'une statistique, mais c'est un être humain qu'on peut rencontrer et voir, qu'il partage avec nous les mêmes désirs et les mêmes angoisses. Alors le projet culturel est réussi. » Plus récemment, vendredi 1er avril 2016, la parole est donnée également dans des pages d'opinion de la Libre-Belgique à Constantin Charnier. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'est quelqu'un qui a été directeur du musée Grand Cursus à Liège, puis qui a été candidat pour reprendre la direction du musée du Saint-Nazaire, ici à Bruxelles, mais ça n'a pas marché, et qui donc est passé dans le privé. Pour vous dire que les catégories privées privées sont désormais poreuses, et qui dirige un lieu qui s'appelle la Patinoire. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est une ancienne patinoire. C'est dans le quartier Louise, près de la place Stéphanie, rue Fenner, qui désormais abrite une galerie privée, la galerie Valérie Bach, et la Patinoire, qui est un projet très ambitieux aussi, où on fait des expositions qui sont aussi des ventes, et où la frontière entre le monde, on va dire, public, de l'éducation par l'exposition, hein, est missée avec le monde privé du marchand d'art. Eh bien, ce Constantin Chariot, un personnage important aussi, hein, dans la sphère culturelle de Seine-Oise, dit, dans un de ses billets d'humeur, je vous cite donc deux extraits, il dit: avant de fabriquer des citoyens consommateurs, sportifs, matérialistes et technologiques, dociles et décérébrés, sont des billets d'humeur. Il importe d'abord et avant tout de mettre au monde des sujets pensants, capables de hiérarchiser les valeurs, en reliant entre elles les composantes culturelles de l'Europe, dans leur diversité et leur polyvalence, dans une perspective d'ouverture à l'autre. La culture doit cesser d'être considérée comme un passe-temps, se développant dans l'espace interstitiel entre enseignement et emploi. Elle est non seulement le sel de la vie, mais le bouclier contre l'obscurantisme, le matérialisme et le terrorisme. La culture rend heureux en ce qu'elle est connaissance. La connaissance éclaire l'être humain et l'élève depuis que les hommes sont nés à eux-mêmes. Très inspiré, mais après tout, ce sont des choses importantes à dire et heureuses à entendre, surtout quand on est fou de culture et qu'on travaille dans la culture ou qu'on enseigne ces matières à des étudiants qui referont le monde demain. Alors, il conclut en disant, je vous lis un dernier extrait, « Il est donc temps que les États membres européens encouragent la réflexion de ces artistes et de ces intellectuels afin de convaincre chacun que c'est l'enseignement de la culture qu'il faut soutenir dans les choix de société. » Au même titre que la conscience écologique et dans la même perspective, une nouvelle conscience culturelle est à appeler de nos voeux. Donc il faut sauver la planète, soyons écolo, et il faut sauver les cerveaux. Allons-y avec la culture. Les instances européennes seraient bien avisées de créer d'urgence, à tous les niveaux de l'enseignement, un cours de culture européenne, inscrit dans le tronc commun de l'enseignement obligatoire, mixant art et histoire, patrimoine, philosophie, histoire des religions, etc. Car le matérialisme qui a tué Dieu fait de l'Européen encroûté dans la matière un mécréant. Regardons-nous, Européens matérialistes et sans spiritualité, et demandons-nous comment nous perçoivent les sociétés théologiques. Elles n'ont plus aucun respect pour nous. Il est donc grand temps de regagner notre respectabilité à travers un véritable combat pour une laïcité républicaine. Qui le dit, hein, qui ne nie pas le fait religieux, mais le confine dans la sphère privée, et affirmer les valeurs culturelles qui ont fait et font l'Europe. Notre survie au cœur de l'Europe et le maintien d'une paix durable en dépend. Donc c'est de nouveau un point de vue important et engagé, sur fond de crise terroriste que nous subissons pour le moment de plein fouet. Hein, il faut remettre ça dans son contexte. Mais donc, les solutions apportées ici face à ces situations extrêmement désagréables passe par la question de la culture. Voilà, et alors, évidemment, tout ça finit par percoler et le monde politique fait tout d'un coup, tiens, mais oui, c'est vrai, hein, puisque on le crie si fort depuis plus d'un an, enfin, les hommes politiques bougent. Et donc, tout récemment, donc, le 29 août, il y a deux grosses semaines, eh bien, je suis tombé sur un article qui titrait, hein, dans le... La Libre Belgique, toujours, qui titrait « Et pourquoi pas un chèque culture pour lutter contre les obscurantismes ?» Voilà, ça y est. Ça, c'est l'application, mais c'est une proposition pour le mouvement politique. Alors, je vous explique de quoi il s'agit. Ça commence par une citation d'un homme politique bruxellois du parti écolo qui s'appelle Christos Doulkeridis. Si vous le connaissez, sinon vous le rencontrez sûrement. Désormais, vous avez entendu son nom dans plusieurs tribunes, hein, qui défendent les questions, notamment de culture à Bruxelles. Et Christos Doulkeridis écrit « Le combat contre les obscurantismes et les différentes formes d'intégrisme est difficile et prendra du temps. La réponse ne peut pas être que sécuritaire. Il faut bien sûr des mesures dans ce domaine, mais ce ne sera pas suffisant. À l'image de ce qui se fait en Italie, poursuit le journaliste, Christos Doulkeridis souhaite la mise en place d'un chèque culture destiné aux jeunes. Au lendemain des attentats du 13 novembre à Paris, on vous rappelle, vous le savez maintenant, parce que je vous l'ai déjà dit deux fois, le Premier ministre italien Matteo Renzi s'était engagé à offrir à chaque jeune Italien de 18 ans un chèque culture de 500 euros. Alors attention, esprit critique, critique des sources dans la presse, moi j'ai lu 150 euros tout à l'heure, je ne suis pas trop. Donc ce qui a été dit tout à l'heure, donc, quelques mois avant la parution de c'est que Matteo Renzi a dit « Moi, je donne 150 euros aux jeunes. » Et là, ça devient 500 euros aux jeunes de 18 ans. Bon. En tout cas, Doulkeridis est parti, lui, de ce calcul. une promesse qui se concrétisera, d'après le journaliste, le 15 septembre. Donc soyons attentifs, parce que c'est passé. Donc quelque part, on va, j'espère, trouver dans la presse le compte-rendu de la mise en application de cette mesure en Italie, de donner 500 euros à tous les jeunes de 18 ans pour consommer de la culture. Pas pour acheter des substances illicites et hallucinogènes. Même si, j'y reviendrai quand on parlera de la définition de la culture c'est vaste, ça peut aller jusque-là. Ils seront 574 000, en plus il y a des Italiens dans la salle, donc vous pourrez nous répondre. Alors, vous avez entendu parler de ça, 500 euros pour les jeunes de 18 ans en Italie? Non? Ah, ça c'est peut-être tout récent, pas encore entendu. Alors, ils sont 574 000 à recevoir des bons à valoir contre des livres, des tickets, de concerts, des places de spectacle, etc. Le gouvernement italien en est convaincu pour éloigner les jeunes du terrorisme et mettre en échec la politique d'endoctrinement de Daesh. Il faut plus d'éducation et plus de culture. Bien, et bien alors qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on fait la même chose ici. Et donc, la proposition de d'Écolo, hein, du parti Écolo, c'est donc de sortir sa calculette et de faire le même calcul. Alors, selon les chiffres disponibles, il y a 127 000 Belges âgés de 18 ans. Leur attribuer un chèque culture de 500 euros représente une enveloppe de 63,5 millions. Ah ouais, tout de même. Donc investir dans la culture, il faut avoir des millions pour ça. Mais à l'échelle nationale, d'un budget total, c'est pas si important. Un montant que Christos Dunkeridis juge raisonnable au regard des 815 millions mobilisés par le fédéral pour financer les mesures de sécurité. Donc voilà, Matteo Renzi dit 1 euro dans la sécurité, 1 euro dans la culture. Ici, même en mobilisant 63 millions d'euros pour la culture, eh bien, on est très loin des 800 millions hein, qui ont été mobilisés au niveau fédéral, s'entend, hein, pas sur Bruxelles uniquement, mais au niveau fédéral, pour financer la sécurité. Sans compter les 12 millions par trimestre que coûte le déploiement des militaires dans les rues. Voilà. Alors, on verra ce que cette proposition obtiendra, parce que c'est un parlementaire, hein, donc il rentre une proposition, et puis ça doit être voté au Parlement, ratifié par le Sénat, et puis ça, effectivement, c'est suivi des faits dans la société. Soyez attentifs. Voilà une proposition très claire, hein, qui a été faite sur le terrain bruxellois cette fois. Voilà. Alors, il y a une série d'articles qui précèdent ces événements, hein, même avant les graves attentats français et belges. Il y avait toujours dans les tribunes de la presse, on a un dossier ici rempli, des gens pour évidemment brandir le fait culturel et l'accès à la culture comme étant évidemment une arme hein, de destruction massive, on l'a dit à un moment donné, le ministre de la Culture en communauté française avait dit ça, une arme de destruction massive contre l'intolérance et la barbarie. Voilà. Mais bon, ici, on le voit concrètement hein, appliqué vu les derniers événements. Ça va ? Ça, c'est pour la culture et la démocratie. Donc, la culture, c'est important pour l'économie. La culture, c'est important pour la démocratie. Et enfin, dans les quelques minutes qui me restent jusqu'à la fin de la deuxième heure, je vais parler brièvement de la culture et de l'identité. Alors, toujours les fameux événements ont fait que le tourisme à Bruxelles a baissé. Les autorités en charge de ces matières s'en sont fort émues. Et tous les commerces et autres activités dépendantes du tourisme ont crié à la catastrophe, puisqu'il y avait une baisse évidemment de fréquentation à tous les étages, et notamment évidemment, au niveau de la culture. Donc, il y a pas mal d'articles qui ont évoqué cela, qui ont donné pas mal de chiffres, comment dire, pour comptabiliser les baisses et les impacts négatifs sur notre économie. Maintenant, on en est convaincu, puisque la culture et l'économie, c'est lié. Et on a évidemment tenté de mettre des solutions en route. Et il y a une grosse opération, je ne sais pas si vous en avez été témoin, qui a été lancée au mois de mai. Au mois de mai de cette année, et à travers différents organes de presse, j'en ai ici des traces. C'est l'opération Fier d'être bruxellois. Et donc, en anglais, fier, c'est proud. Et en fait, un bruxellois, c'est quoi? Ben, qu'est-ce qu'on mange à Bruxelles? Les choux de Bruxelles. Et le chou de Bruxelles, ça dit proud. Ou à peu près en anglais. Et donc, on a fait les deux mots ensemble, fier et chou de Bruxelles en même temps. En anglais, ça marche, c'est proud, to be Bruxelles. Donc je suis fier et en même temps chou de Bruce. Voilà, on rigole, c'est vrai que moi j'ai pas trouvé que c'était la meilleure opération de marketing, hein, mais voilà, c'est l'opération qu'on a décidé de lancer. Et je vous assure que c'est de grosses sommes d'argent qui ont été investies dans cette campagne pour que Bruxelles retrouve son honneur, si je puis dire, perdu à la suite de l'insécurité patente liée à la présence de ces attentats. Et donc, on a vraiment tenté de redorer l'image, et donc j'y arrive, l'identité de la capitale. Et donc, il y a un rôle très clair entre la culture et l'identité. À savoir que désormais, les villes ont une identité. On pourrait dire, pour aller un pas plus loin, que sur base de cette identité, elles développent une image de marque. Mais ce sont des questions de culture, parce que cette image de marque, elle fera l'objet d'un marketing qu'on appelle désormais le city marketing. C'est-à-dire qu'on va vendre l'image de Bruxelles et à travers elle son identité à l'étranger pour attirer des consommateurs de culture notamment, que sont les touristes. Donc voilà, culture et identité, ici pour le coup de Bruxelles, mais on peut évidemment extrapoler à la région, au pays, voire à l'Europe. Voilà, il y a une identité culturelle qui est manifeste et qui est attractive pour l'étranger qui vient découvrir notre culture. Et ça fait la boucle avec la question économique parce que ça entraîne évidemment un tourisme et ce tourisme entraîne évidemment un développement économique puisque ça finance un tas de secteurs qui vivent du tourisme. Alors, on est d'accord ? Donc ici on boucle la boucle, mais alors j'ai été très surpris, je terminerai vraiment par ça, j'ai été très surpris parce que cette histoire d'identité qu'il faut aller vendre à l'étranger, que ce soit les gens responsables du city marketing qui le fassent, moi j'ai pas de problème avec ça. Vous savez, il existe un site internet qui s'appelle www.visitbruxelles.be et là derrière il y a une grosse équipe. Hein. J'ai participé à certaines réunions d'équipe là-bas. C'est des gens qui toute la journée pensent à comment on peut vendre Bruxelles à l'étranger. Donc c'est leur boulot, hein, c'est leur business. Et c'est très important désormais dans l'évolution, on va dire, de l'économie, notamment de la capitale ici, Bruxelles. Ça, j'ai pas de problème, c'est normal, c'est leur métier, c'est eux qui font des campagnes comme ça de mise en évidence de l'identité de Bruxelles pour faire venir les touristes. Mais là où j'étais un peu plus surpris, c'est que je me suis intéressé à un événement qui est lié normalement aux arts visuels, puisque je ne sais pas si vous avez pris connaissance de ça dans la presse, mais c'est tout récent. Donc j'ai un article ici sous les yeux du 1er septembre, vraiment quelques jours, paru le soir, qui s'appelle Les artistes bruxellois en mission à Paris. Bon, j'avais entendu parler du projet, je suis content de voir qu'il a abouti, c'est-à-dire pendant un week-end, pour le dire vite, un tas de plasticiens, de performeurs, de musiciens, enfin des artistes de la capitale ont été invités au palais de Tokyo à Paris pour démontrer le meilleur de la création, on va dire bruxelloise, de l'inventivité de nos artistes. D'accord ? Moi, je n'ai pas de problème avec ça, pour moi, c'est un événement culturel, artistique, important, qui montre que voilà, Bruxelles compte maintenant aux yeux de Paris sur ce terrain-là. Mais ma surprise a quand même été de lire certains commentaires de la presse ou certaines informations qui étaient données ici par les journalistes, à savoir que l'objectif était de redorer l'image de la capitale auprès de la France. Donc ici, ce ne sont pas des gens qui font du city marketing, ce sont des artistes qui font de l'art, qui sont d'une certaine façon instrumentalisés, presque sans le savoir, hein, pour redorer l'image de la capitale à cause du Brussels bashing lié aux attentats, auprès de la France, qui sont les touristes qui sont privilégiés pour visiter un pays, puisque c'est un pays voisin, et qui sont nombreux. Donc, c'est très étonnant. Hein. Donc, je vous lis ça dans la presse, parce que je n'invente rien. Ils vont bousculer les couloirs du palais de Tokyo, c'est un lieu de culture à Paris, j'espère que vous connaissez, sinon la prochaine fois, allez le découvrir. Ce samedi 3 et dimanche 4 septembre, une trentaine d'artistes contemporains résidant à Bruxelles débarquent dans la capitale française. Le festival Indiscipline, c'est son titre, présente leurs performances dans trois salles de ce grand centre européen d'art moderne et contemporain. Des talents confirmés, alors des artistes que vous connaissez, Anne-Véronique Kleinsen, Conrad de Beubeler, Younes Baba Ali, Joachim Olender, Samy Balogi, si vous suivez un peu l'actualité de l'art contemporain, c'est des stars déjà maintenant, tous ces gens. Et ils prendront possession des lieux de midi à minuit pendant deux jours. Midi à minuit, ce sont les horaires d'ouverture du Palais de Tokyo, qui en fait un lieu original, donc ça vaut la peine d'aller visiter. Mais, je lis juste après, l'initiative prise par Rachid Madran, vous connaissez peut-être, c'est maintenant je vis en France, est le ministre francophone de la promotion de Bruxelles. Oui, nous avons un ministre qui est chargé de la promotion de Bruxelles. Alors Rachid Mazrane, avant, c'était le ministre de la Culture de la région bruxelloise. Il est passé dans le gouvernement de la communauté française. On ne savait pas bien où le caser, donc on l'a mis là. Et en réalité, comme c'est un type brillant, il a fini par en faire quelque chose. Parce que au départ, c'était un placard, comme on dit à Bruxelles, hein, en politique. Mais il en est sorti et il fait quand même des choses, et notamment ça. Donc lui, il avait de l'argent pour faire la promotion de Bruxelles. Il a mis de l'argent sur la table pour que des artistes puissent aller à Bruxelles, à Paris, non pas pour des raisons artistiques, mais pour des raisons de city marketing. Donc même le city marketing maintenant descend au niveau des hommes politiques et au niveau des artistes, et pas seulement des professionnels de la communication. C'est absolument surprenant, mais c'est comme ça. Et donc, le ministre dit, l'année passée, Visit Brussels nous a... non, c'est un des organisateurs du festival qui dit. L'année passée, Visit Brussels nous a contactés suite aux attentats et les paroles un peu dures sur Bruxelles de la part de Paris. L'idée est de faire quelque chose qui rétablirait l'image un peu entachée de Bruxelles. Cette ville n'est pas que la capitale de la radicalisation. Voilà. Donc, en fait, c'est absolument étonnant. Mais maintenant, même des festivals pointus d'art contemporain deviennent des prétextes à redorer le blason, on va dire, de la ville de Bruxelles. Donc, culture et identité, plus que jamais, liées, pas seulement par les professionnels qui vendent notre image de marque à l'étranger, mais aussi par des ministres en charge, hein, de la promotion de la ville et par des artistes qui acceptent de jouer dans ce jeu-là. Voilà, je voulais faire ce tour d'horizon, hein, qui est maintenant terminé en même temps que la séance, afin de vous mettre dans un certain bain. Et bien sûr, dans 2 semaines, quand nous nous revoyons, nous démarrons une matière reposant sur une littérature scientifique et non plus seulement sur des extraits de presse. Voilà. Merci pour votre attention. Et à dans 2 semaines, et pour la plupart, j'espère...